Donc le fait d'avoir maintenant une caméra couleur et surtout un banc de montage pneumatique, ça relance la production avec des artistes régionaux et avec des Parisiens qu'on fréquentait déjà depuis un moment, et notamment Jean-Paul Fargier et Daniel Yegui. Daniel qui est là ce soir, merci Daniel d'être venu. Et donc on va regarder, et ça c'est une production de 1980, un tout petit extrait d'un film qui s'appelle Rejoins les professionnels. Alors j'en parle un petit, Rejoins les professionnels, c'est un film de Patrick Mettet. Patrick Mettet qui ensuite a fait une carrière, lui, d'animateur jeunesse et sport, c'est ça. J'en parle un peu sous le contrôle de mes petits camarades qui l'ont mieux connu que moi, qui a régné ensuite sur un équipement de production au sein de jeunesse et sport. Et puis après à La Rochelle, Après à La Rochelle, voilà. Donc il avait fait ce film qui est sur un groupe de chasseurs en Touraine, qui était très proche de lui, puisque je crois que son père faisait partie de ce groupe de chasseurs. Malheureusement, on a eu la surprise en regardant les fichiers de s'apercevoir que le film lui-même a disparu. Il n'en reste plus qu'une bande-annonce. Je ne sais pas qui l'a faite et pourquoi et dans quel but. Mais voilà ce qui reste de Rejoindre les professionnels. Oui, forcément. L'alcool est dans. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Donc, tout dans l'élégance et la finesse. Donc, alors, il n'y a absolument pas de fiction là-dedans. C'est-à-dire qu'on les a accompagnés pendant 3 week-ends de chasse. C'est au fin fond de la Touraine. Le groupe était composé de gens d'origine diverse, mais quand même assez... Il y avait des citadins et des paysans. Il y avait le père du cinéaste qui habitait Tours. Les autres étaient plus ruraux. Il y a un vieil ouvrier agricole qui vivait dans une chambre dont le sol était encore en terre battue. On le gardait dans la ferme, probablement par charité. Il avait un lit, une place en fer, avec le fusil accroché au-dessus. C'est dommage parce que toutes ces images ont disparu. Il y avait un débile léger, mais qui retenait tous les chiffres. C'est-à-dire qu'on lui montrait une clé de voiture, il regardait le chiffre, on revenait le dimanche d'après, on lui demandait quel était le numéro de la clé de voiture, il le donnait. Enfin, quand même un groupe très intéressant sur le plan sociologique. Et on démarrait à 4h du matin, on partait, on s'arrêtait dans un village où un charcutier qui n'avait pas encore ouvert nous recevait, fournissait tout ce qui était nécessaire pour la collation de 10h et le repas de midi. On buvait un café arrosé, il devait être donc à peu près 5h du matin. On arrivait sur le terrain, il commençait plus ou moins à chasser en attendant la collation de 10h. À partir de la collation de 10h au vin blanc, il commençait déjà à être bien allumé. Après le déjeuner de midi, il fallait faire attention d'être derrière les chasseurs, surtout pas être dans le champ. Et pour la fin, je n'ai pas résisté, puisque j'ai assuré l'image et le montage de cette réalisation, je n'ai pas résisté au montage à la fin de monter des images de ces chasseurs très, très, très avinés, avançant avec peine dans la brume, enfin en fin de journée. Et dans le son, j'avais mixé des sons d'éléphants, de hyènes, etc., parce qu'ils étaient tellement hagards que je trouvais ça intéressant. Et je pense que Patrick Mettel, réalisateur, n'a pas complètement... assumer ce montage, et en 97 il a refait un film sur le même thème, je pense avec le même groupe de chasseurs, mais malheureusement celui-là je ne l'ai pas, et ça a été la seule production qu'on ait faite avec lui, mais il a continué à faire aussi d'autres films, ce qui justifie sa place dans cette séance et selon l'angle que j'ai choisi. Je propose qu'on regarde maintenant un extrait du Tour du Monde, puisque Daniel est là, elle pourra peut-être en parler mieux que moi. Ce que je veux juste préciser, c'est que le Tour du Monde est tourné avec la paluche, et que Daniel et Jean-Paul avaient trouvé le meilleur moyen de bien utiliser la paluche, c'était de la coller sur un pied et de filmer en plan fixe. Comme ça, on était sûr d'avoir une image exploitable. Et l'extrait que j'ai pris est un peu long, mais il est intéressant parce que c'est la conférence de rédaction du Monde en 80, je parle sous ton contrôle, Daniel, 1980, je crois que c'est 1980, ouais, tout le monde, la conférence de rédaction, tout le monde est debout et annonce ses sujets, et à la fin, le secrétaire de rédaction indique à chacun quelle va être sa place dans le journal en nombre de colonnes, et c'est très rigolo parce qu'on a vraiment l'impression d'une distribution des notes à la fin. Scolaire, c'est un collège qui fait l'objet de menaces anonymes de bombes, et les parents ont décidé de ne plus envoyer leurs enfants à l'école parce que ça provoque des paniques, et ils sont en grève. Il y a une affaire à tirer au clair, le salaire des assistants étrangers de langue étrangère. Alors, ce sont des jeunes qui disent avoir été trompés. Ils sont venus en France en espérant un salaire de 4 000 francs. Ils se retrouvent avec un salaire de 3 000 francs. La fin de Mitterrand en Algérie, quand on fait le bulletin, on a attaqué déjà le cas Colombani et puis deux, trois encadrés. Une suite est-ouest et puis un discours de Lemoine à Milan. Pour le Proche-Orient, Lucien Georges qui fait une espèce de synthèse sur la mission Habib, les attentats de Damas, etc. Cornu sur Cisjordanie et motion de confiance. Et puis une petite déclaration de Rajavi qu'on a vu passer hier sur l'Iran. En Europe, le papier de Ponce sur la crise de la démocratie chrétienne qu'il faut vraiment donner aujourd'hui. La désignation de Notom en Belgique pour essayer de former un gouvernement. Un remaniement important en Espagne, Malignac. La visite de Cotte en Allemagne fédérale, ils ont parlé pas mal du Tchad, c'est Vets. Guetta sur les pompiers de Varsovie. Un papier au marbre de Ferenczi sur le rationnement à l'URSS, et puis on va essayer de débloquer l'interview de Suarez aujourd'hui. Ça c'est Clément. Il y a un entretien avec Gilles Deleuze à l'occasion de son livre sur Francis Bacon, un article d'André Fermigier sur l'architecture au Canada, qui est en même temps le cheval culturel. Puis on a repris le beau film de Michel Champenois dans le supplément, et on a passé une série de petites notes sur les scènes hors Paris. Ça, c'est pour la culture. Pour la radio-télévision, il y a surtout beaucoup de choses, de mouvements divers dans les radios libres. L'émetteur de Radio Cité Future a été débranché, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Frédéric Edelman va faire un château. Il y a beaucoup de choses. Le Conseil des ministres devait présenter aujourd'hui un plan machinité important avec une aide publique de 4,5 milliards de francs, ce qui est tout à fait considérable, mais c'est sans doute la première fois qu'on prend le problème par le bon bout. En social, il faut faire une synthèse sur la durée du travail qu'on chapeautera avec les chiffres provisoires de l'emploi. Nous avons une interview du directeur général de l'ANPE, que j'aimerais bien passer aujourd'hui, qui fait deux colonnes. Vernol est également prêt à faire un papier sur la réforme fiscale, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce que l'on souhaite. Bien, on est tout fait, on se colle avec. On peut, monsieur. Machine outil, c'est intéressant. La machine outil, à mon avis, mérite la une, parce que c'est un point important. Et c'est une industrie essentielle. Et maintenant, si on ne pourrait pas faire un point, pour quand même signaler que ce gouvernement, sans du commissaire d'industrie, sans faire trop de déclarations tonitruantes, a successivement fait un plan jouet, un plan forêt, un plan cuir, un plan textile, et maintenant un plan machinerie. Je leur parlais qu'il y a quand même une action qui est mise en œuvre sans propos. Ils bougent bien, et ce qu'ils font, c'est un air d'être tout à fait rationnel. On pourra faire le point là-dessus. Oui, demi pour Carillon. 4 pour le genre, 4 pour dire très, 3 pour les régions, 3 fois et demi. On va essayer d'aller jusqu'à 8 pour les cours, mais pas davantage. Et puis 3 quand même pour la radio. Et comme ils nous ont lâchés, parce que j'ai fait suivre Jean-Paul Fargé. Ils nous ont lâchés en dernière minute parce qu'on n'était pas d'accord, surtout que Journal du Monde, ça pose tout de suite des questions politiques, comment le filmer, etc. Donc, désaccord en dernière minute. Puis moi, j'aime pas lâcher les trucs que je suis en train de faire. Donc, après tout, je sais à peu près cadrer. Si je mets la paluche qui avait l'avantage d'être une caméra très sensible et de bonne qualité sur un pied, ben ça va marcher. Et là, ce qui me frappe en revoyant cette scène où ils se réunissaient le matin, c'était très cérémonial, à 7h du matin, ils arrivaient avec leurs articles et tout, c'est qu'il y a, à part à la culture Yvonne Babi, il n'y a pas une seule femme. Pas une seule femme. La culture, encore, on peut laisser aux femmes, mais le reste, les questions sérieuses. En fait, c'était une commande pour une exposition à Beaubourg sur la presse. Donc c'était à l'époque où... C'était « Comment va la presse ?» C'était la manifestation « Comment va la presse à Beaubourg ?» ouais. Mais c'était une période où on pouvait encore donner à des gens comme nous, qui avaient une petite association, de l'argent pour faire des films. Et puis, qu'on a pu monter grâce à Pierre. C'est vrai. Vous pouviez monter partout. On vous accueillait partout. Vous étiez des vedettes à cette époque-là. Mais on s'aimait, nous. Donc, on était copains. Donc, c'était mieux de le faire à Orléans. Et puisque tu as la parole, j'aimerais bien que tu parles d'un autre film qui est... Parce qu'en fait, c'est 81, je me suis trompé, c'est 81, d'après les noms qu'ils disent, c'est 81. Et j'aimerais bien que tu parles de toutes les histoires de dragons ont un fond de vérité, dont l'image a été assurée par Betty Mulette. Oui, ça c'était un film... C'est l'écrivain Gérard Guégan qui voulait régler ses comptes avec Libération. Et il voulait faire un film sur... C'était au moment où Libération changeait de formule et où Serge Lully a viré beaucoup de gens pour pouvoir réorganiser si on est positif ou asseoir son pouvoir si on est négatif. Enfin, tout dépend comment on voit les choses. Et vraiment, moi, ce qui... Donc, Guégan était un grand ami, il est toujours, de Jean-Paul Fargier. Et il a été le voir pour lui demander de produire ça. Et moi, je me suis retrouvée à la caméra. Et bon, très bien, c'était amusant, on filmait des journalistes, mais il y avait des choses qui me déplaisaient fortement parce qu'il y avait cette focalisation sur le pouvoir à Libération et avec des questions où, je ne sais pas, même des gens qui lisaient dans les astres pour savoir quel était le destin de Julie, c'était mis en scène. Enfin, moi, le film ne me plaisait pas, l'autoritarisme de Guégan ne me plaisait pas. Et je trouvais un peu, je ne le ferais plus aujourd'hui, hein. Je trouvais le film, enfin, je ne l'aimais pas, donc je ne voulais pas signer mon nom. Donc je le trouvais bête et nul, donc j'ai signé Betty Mulette. Mais ça a été très... Guégan a compris le message. Et il a fait en sorte, parce qu'avant j'avais droit à des articles dans les nouvelles littéraires, parce que ce gang d'amis connaissait les nouvelles littéraires, ils avaient des amis qui étaient des journalistes amis. Et avant, pour d'autres films que j'avais fait avec Jean-Paul Fargier, j'avais des louanges exagérées pour des petits films. Et là, Guégan s'est arrangé avec Delphine de Thon, je me rappelle, pour faire dire dans l'Obs que tout était bien, sauf la caméra, c'était mauvaise. Alors là, je me suis dit, oh là là, oui, il a compris le message. Et voilà. Mais à part ça, c'était un film amusant. Et c'est quand même, ça reste quand même un film qui, c'est le seul témoignage qu'on ait sur la, l'arrêt de la première formule de libération. Donc malgré tout, ça reste un document très intéressant.